إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans la lecture du livre de l'explication de la aqida des deux imams الرازيان أبو حاتم الرازي و أبو زرعة الرازي. Et donc on a expliqué jusqu'à maintenant plusieurs points parmi les fondements d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah qui ont été mentionnés et clarifiés par ces deux grands imams. Et on est arrivé aujourd'hui au point numéro 6. Et le point numéro 6, c'est la aqida d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va lire par la suite l'explication de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah dans son sharh qui s'intitule Qurratul Aynayn bi tawdih ma'ani aqidat al-Raziyayn. Donc Qurratul Aynayn, c'est le sharh de Sheikh Rabi'. Donc on commence tout de suite. Les deux imams ont dit wa qala wa anna Allah azza wa jal ala arshihi ba'inun min khalqih كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc les deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a al-Razi, ils ont tous les deux dit que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, séparé de sa création, comme il s'est décrit lui-même dans son livre, et par la langue de son messager, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sans kayf, c'est-à-dire sans comment, c'est-à-dire on ne va pas essayer de connaître ou de comprendre le comment, ou de demander la question au sujet du comment, c'est-à-dire comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ou bien comment Allah... comment sont les attributs d'Allah. Donc on ne pose pas la question du comment. Et il a enveloppé toute chose de sa science. Et rien ne lui est comparable, rien n'est semblable à lui. Et il est l'audient et le voyant. Comme c'est mentionné dans le verset 11, dans Surat Ash-Shura. Donc ça c'est la parole des deux imams qui mentionnent et qui clarifient que ça c'est la aqida d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, c'est la aqida des salafs. Tous les salafs, sans exception, tous les sahaba et les tabi'in, et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, dans cette aqida, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut affirmer ces attributs-là à Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier l'attribut du fait que Allah est au-dessus de son trône. Maintenant on va lire les paroles de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah au sujet de cette parole. Il dit حفظه الله هذه القضية عظيمة جدا ومن أعظم أصول أهل السنة وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وكل الصفات التي ثبتت ووردت في كتاب الله وفي السنة نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. Donc le cheikh il explique que cette question fait partie des grandes questions et des points les plus grands et les plus importants parmi les fondements d'Ahl Sunnah, et c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et en ses attributs subhanahu wa ta'ala, et que Allah tabaraka wa ta'ala il est tel qu'il s'est décrit lui-même dans son livre et tel que le messager sallallahu alayhi wa sallam, son prophète Muhammad, l'a décrit par sa langue. Et toutes les attributs qui ont été affirmés et qui sont mentionnés dans le livre d'Allah et dans la sunna, il est obligatoire d'y croire et de les affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala sans faire de tashbih ni de tamthil et sans faire de takif ni de ta'til. At-tashbih, c'est-à-dire de faire des ressemblances entre le créateur et la créature, et at-tamthil, c'est-à-dire de comparer le créateur et la créature. Donc on ne doit pas faire ni de tashbih, ni de ressemblance, ni de tamthil. Et on ne doit pas non plus faire de takif ni de ta'til. Et at-takif, c'est-à-dire de poser des questions, de demander le comment, ou d'essayer d'imaginer le comment, ou de parler à propos de la description et du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne fait pas de takif et on ne fait pas de ta'til. Et at-ta'til, c'est quoi? At-ta'til, c'est la négation, c'est-à-dire le fait de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est soit de les nier directement et explicitement, comme le font les Jahmiyyah, qui nient toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de les nier indirectement, c'est-à-dire en déformant la réalité de leur sens pour leur donner un sens qui est contraire à leur réalité. Et ça, c'est la façon des Asha'ira et des Maturidiyya, de ceux qui déforment la réalité et la signification réelle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Rabi', il continue. Il dit: وَلَا نُكَيِّفُ كَمَا كَيَّفَ الْمُشَبِّهَ وَلَا نُكَيِّفُ كَمَا كَيَّفَ الْمُشَبِّهَ تقول استواء كاستوائي ونزول كنزولي ومجيء كمجيئي ويد كيدي إلى آخر ما يقولون من الضلال والكفر. Donc le cheikh il dit, et on ne cherche pas à trouver le comment ou à demander des questions à propos du comment comme le font les mushabbiha. Al-mushabbiha, c'est-à-dire ceux qui font ressembler Allah à sa création. Et donc qu'est-ce qu'ils disent les mushabbiha? Ils disent, et ça c'est un terme parfois vous allez entendre dans la bouche des ça c'est une note en passant que je rajoute, une note que vous allez un point que vous entendez souvent de la part des mubtadi'a, en particulier les ahbash, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entre les ahbash qui circulent dans, que ce soit ici au Canada à Montréal ou bien en France dans plusieurs villes et ailleurs même, ils sont yani un peu partout et ils vont yani devant les musulmans, puis ils leur jettent des shubuhat. Ils leur jettent des shubuhat, des ambiguïtés et des choses équivoques pour essayer de les confondre et de les mélanger dans leur aqidah. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que les gens de la sunna, les salafiyoun, sont des mushabbiha. Et ils traduisent souvent le terme mushabbiha par le terme anthropomorphisme en français. Et anthropomorphisme, ça veut dire que le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala une forme humaine. Donc ils essaient de dire que nous les salafiyoun, les gens d'Ahl Sunnah, on donne à Allah subhanahu wa ta'ala une ressemblance humaine et on fait de l'anthropomorphisme. Et donc ils disent à propos des salafis ou bien de ceux qu'ils appellent les wahhabis, hein, qu'ils sont des anthropomorphistes. Et donc nous on dit on n'est pas des anthropomorphistes, on n'est pas des mushabbiha. Parce qu'on affirme uniquement ce que Allah s'est affirmé à lui-même. Et on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'elles lui conviennent. C'est-à-dire, yani, que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Et donc, la différence entre nous et les mushabbiha, c'est comme ce que le cheikh, yani, Cheikh Rabi, il va l'expliquer maintenant. Donc, les mushabbiha, contrairement à Ahl-Sunnah, nous aussi on affirme les attributs d'Allah, on dit Allah subhanahu wa ta'ala s'élève au-dessus de son trône, Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, Allah subhanahu wa ta'ala vient au jour de la résurrection, comme il a dit qu'il allait venir au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala a une main, il a un visage, hein, et ainsi de suite. Et nous on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous ses attributs, il n'y a rien qui lui ressemble, hein, et il n'est pas comparable à quoi que ce soit de ses créations. Ça, c'est la parole d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Et il n'y a pas de tashbih là-dedans. Puisqu'on a nié la ressemblance. Mais les vrais mujabbiha, ceux qui font réellement le tashbih, voici ce qu'ils disent. Quand ils disent istiwa, ils disent istiwa un kastiwa'i. C'est-à-dire, quand ils disent, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'élève au-dessus de son trône, ils disent qu'il s'élève comme moi je m'élève. Ou bien qu'il descend comme moi je descends. Ou bien ils disent qu'il viendra comme moi je viens. Ou bien qu'il a une main comme ma main, ou un visage comme mon visage. Et c'est ça, c'est ça le tashbih. Le tashbih, c'est que tu dis que les attributs que Allah s'est donné lui-même, elles sont comme les miennes, ou comme celles des créatures. Hein? Et c'est ça le tashbih. Et les gens de la sunna, aucun d'entre eux ne disent ça. C'est-à-dire, aucun d'entre eux disent que les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures. Et ça, c'est en réalité une parole de kufr et de shirk. De dire que Allah subhanahu wa ta'ala a une main comme la main des êtres humains ou la main des créatures, ça c'est du kufr et du shirk. Celui qui dit ça, il est tombé dans le kufr et dans le shirk. Et donc ça n'a rien à voir avec la position de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et donc les Ahbash et les autres parmi les sectes comme les Asha'ira et les Maturidiya ont menti sur les salafiyins et sur Ahl Sunnati wal Jama'a en les accusant de tashbih. Hein? Ensuite, le cheikh il dit wa qabalahum ghulat al-mu'attila ou ghulat al-nufat fa nafaw 'an Allah sifat kamalihi wa nu'ut jalalihi wa minha inkar anna lillahi sam'an wa basaran wa 'ilman wa iradatan. والجهمية أنكرت أسماء الله وصفاته والمعتزلة أنكروا الصفات العلم القدرة الإرادة المجيء وما شابه ذلك وأثبتوا لله أسماء بدون معان فلحقوا بسادتهم الجهمية في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. Et donc, Cheikh Rabi, il explique que, à l'opposé des mushabbiha, à l'opposé de ceux qui font le tashbih et qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, il y a ce qu'on appelle les extrémistes parmi les mu'attila, ou bien les nufat. On les appelle soit des mu'attila, ou on les appelle des nufat. Un nufat, ça vient c'est le pluriel du mot nafin, c'est-à-dire qui vient du nafi. Et un nafiu, ça veut dire la négation. Un nafiu, c'est le contraire de al-ithbat, c'est-à-dire de l'affirmation. Donc, al-nufat, c'est ceux qui nient. Et al-mu'attila, ça vient du mot ta'til. Et al-ta'til, ça veut dire aussi la négation, ou vider quelque chose de son sens. Et donc, ça c'est l'opposé des mushabbiha. Et donc ils ont nié à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont nié ses noms et ses attributs, ses noms de perfection et ses attributs de perfection et de majesté. Et parmi les exemples de ce qu'ils nient comme attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, ils nient qu'il a une ouïe, ou bien qu'il a la vue, ou bien qu'il a la science, ou bien qu'il a al-irada, c'est-à-dire la volonté. Donc il nie ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les Jahmiyyah sont les plus extrémistes Et ils sont en degré. Les premiers, c'est les plus égarés, c'est les Jahmiyyah. Ensuite, les Mu'tazila. Donc les premiers, c'est les Jahmiyyah les plus extrémistes, les plus égarés. Après les Jahmiyyah, il y a les Mu'tazila, qui sont juste en dessous, un degré en dessous, dans leurs égarements. Après les Mu'tazila, il y a ce qu'on appelle les Asha'ira et les Maturidiyah. Hein, on va le redire de toute façon encore une fois pour donner le temps à ceux qui veulent écrire, d'écrire. Donc les Mu'tazila, en premier il y a les Jahmiyyah, en deuxième il y a les Mu'tazila, en troisième il y a les Asha'ira et en quatrième il y a les Maturidiyah. Al-Maturidiyoun, ils sont très proches des Asha'ira. Ils sont très proches des Asha'ira. Ils ont une aqida qui est à peu près la même. Ça se ressemble, mais il y a des petites différences entre les deux. C'est pour ça qu'on les calcule parfois comme étant une seule et même secte. D'accord? Donc, les plus extrémistes, comme on a dit, comme Cheikh il explique, Cheikh Rabi, il mentionne ici, Al-Jahmiyyah, Ankarul, Asma Allah, wa Sifatihi. Eux, ils ont été dans l'extrême parce qu'ils ont nié à Allah tous ses noms et ses attributs. Et donc, eux, ils disent, on ne peut rien affirmer à Allah comme nom et comme attribut de ce qui est mentionné dans la révélation. Qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala? On n'en affirme rien. C'est-à-dire, on n'affirme rien de ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna comme attribut et comme nom à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils prétendent que si on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et ses attributs, ils s'imaginent que ça implique une ressemblance entre le Créateur et la créature. Et ils disent, la seule chose qu'on peut dire à propos d'Allah, c'est qu'il existe. Et en dehors de ça, on ne peut rien dire d'autre. Hein? Et encore là, les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont dit, si vous dites que la seule chose qu'on peut dire à propos d'Allah, c'est qu'il existe, et les autres attributs, vous dites que c'est des choses qui sont symboliques ou allégoriques, ou qu'on ne doit pas affirmer dans sa réalité, et vous dites qu'il existe, et que c'est ça la seule attribut qu'on peut affirmer, alors dans ce cas-là, on peut dire que les êtres humains aussi existent, et les créatures aussi existent. Et donc, qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là? N'est-ce pas que le fait de dire que Allah existe et la créature existe, hein, pourquoi vous ne dites pas ici qu'il y a une ressemblance entre le Créateur et la créature? Hein? Donc, ils disent non, parce que l'existence d'Allah est différente de l'existence des créatures. Alors, tu leur dis dans ce cas-là, pourquoi vous ne dites pas la même chose à propos des autres attributs qu'on doit affirmer, comme par exemple la vue ou l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala. On affirme que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une ouïe. Hein, il entend, mais que son ouïe n'est pas comparable à l'ouïe des créatures, et qu'il a la vue, et que la vue d'Allah n'est pas comparable à la vue des créatures. La même chose que vous avez dit que l'existence, Allah existe, mais son existence est différente de l'existence des créatures. Et donc, ça c'est un argument contre eux. La même chose, après vient les Mu'tazila. Et les Mu'tazila, eux aussi, ils sont dans l'égarement. Mais un égarement qui est en dessous, celle des Jahmiyyah. Parce que eux, ils ont affirmé les noms d'Allah, mais ils ont nié leur signification. Et ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils affirment les noms, mais nient les attributs. Et ça, c'est un autre égarement aussi. Le Cheikh, il dit, les Mu'tazila, ils ont nié les attributs. Comme par exemple, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de science, il n'a pas de puissance, il n'a pas de volonté. Et il nie qu'il va venir au jour de la résurrection. Des choses qui sont affirmées dans la révélation à propos d'Allah, il les nie. Et ils affirment à Allah subhanahu wa ta'ala des noms, comme As-Sami', Al-Basir, Al-Aziz, Al-Alim. Ils les affirment ces noms-là. Mais ils disent que ces noms-là n'ont aucune signification. Ils disent que ce sont juste des noms propres qu'on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne dit pas que ces noms-là sont reliés à leur sens. Donc le sens de Al-Alim, c'est qu'il a Al-Ilm, celui qui a la science, parce que Al-Alim, ça veut dire celui qui est omniscient, qui sait tout. Et donc, ça veut dire qu'il a la science. Et si on dit qu'il est Al-Basir, ça veut dire qu'il a l'attribut de Al-Basar, c'est-à-dire qu'il voit. Et si on dit qu'il est As-Sami', ça veut dire qu'il a l'attribut de l'ouïe et qu'il entend. Il a As-Sam'u. Et on dit la même chose à propos des autres attributs. Si on dit qu'il est Al-Alim, il a l'ilm. Mais eux, ils disent non. Il est Sami' bila Sam', Basir bila Basar, Alim bila Ilm, hein, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ils disent qu'il a, il est l'omniscient, mais il est sans science. Il est le voyant, mais sans vue. Il est l'audient, mais sans ouïe. Et donc, ça, c'est pour montrer à quel point ils sont ridicules. Tout ça pour nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison de ça, c'est parce qu'ils veulent essayer d'interpréter le Coran et la Sunna et parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur les textes écrits par les philosophes grecs. Et qu'est-ce que Aristote et Platon et les autres philosophes ont écrit? Et eux, dans leur conception et dans leur logique, hein, ils ont une idée à propos de ce que représente Dieu ou ce que représente la perfection. Et donc, selon eux, si on affirme Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs, eh bien, pour eux, ça implique qu'il y a une imperfection ou il y a une ressemblance entre le Créateur et la créature. Et nous, on dit non. Ça, ces prétentions-là sont fausses. Hein? Et donc, ça, c'est un autre exemple de cette catégorie de sectes qui ont dévié, qui sont en dessous des Jahmiyyah. Et ensuite, il y a ceux qu'on appelle les Asha'ira. Eux, ils ont dit, nous, on affirme uniquement sept attributs et on nie les autres. Donc, ils ont dévié, eux aussi, de la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, puisque la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est d'affirmer tous les attributs sans exception. Et on leur dit, si vous affirmez sept attributs, pourquoi pas affirmer les autres, puisque c'est la même chose, hein? Si vous dites que vous dites que oui, Allah il a l'ilm, il a la science, et vous dites donc l'être humain il a la science, vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala il est al-hayy, il a al-hayat, qu'il a la vie, ça c'est une de ses attributs, il est vivant, et l'être humain aussi il est vivant, les animaux ils sont vivants et les plantes ils sont vivants, est-ce que ça veut dire que la vie d'Allah est comparable à la vie des créatures, la vie des hommes, la vie des animaux, la vie des plantes? Non, parce que la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est parfaite. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Hein? Tandis que la vie des créatures, elle est limitée. Elle a un début, elle a une fin. Donc, ça c'est des exemples. Donc, si vous dites que vous affirmez les attributs, les sept attributs que vous affirmez, ou les huit, parce que les maturidis, à eux, ils affirment huit. Les Asha'ira, ils affirment sept. Les maturidis, ils affirment huit. Et il y en a d'autres qui ont rajouté jusqu'à 13. Et d'autres qui ont ajouté jusqu'à 20. Donc on dirait qu'ils se sont levés un matin puis qu'ils ont dit, bon ben je pense qu'on va affirmer 8. Et les autres ils ont dit, ben moi je pense qu'on devrait ajouter quelques-unes encore. Selon leur désir et leur passion. Alors que Ahl Sunnati wal Jama'a ont dit non, on affirme tous les attributs. Sans exception, pourquoi on nie? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de lui-même qu'il a al-rida, et qu'il a al-ghadab, et qu'il a al-dahik, et qu'il a toutes les attributs de perfection qu'il s'est donné. C'est-à-dire qu'Allah, il est satisfait. Il mentionne dans le Coran qu'il se met en colère contre certaines créatures. Il mentionne dans le Coran qu'il rit parfois. Et c'est mentionné dans la sunna, hein, dans les hadiths authentiques. Donc on affirme que ça, c'est des attributs de perfection. Et qu'il n'y a aucune imperfection impliquée dans ces attributs-là. Et que la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a ces attributs-là, ce n'est pas comparable aux créatures. Hein? Et que si chez les créatures, il y a des formes de ces attributs qui existent chez les créatures, qui sont des imperfections, chez les créatures, chez Allah subhanahu wa ta'ala, elles n'impliquent pas du tout ces imperfections-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Allah, hein? Il est le créateur. Et donc, le Créateur a des attributs qui conviennent au Créateur, et au Maître, et au Tout-Puissant. Et les créatures ont des attributs qui conviennent aux créatures. Et donc, du moment qu'on les affirme, ces attributs-là, et qu'on les attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, alors elles sont parfaites. Le cheikh, il dit ensuite, donc, ils ont affirmé, les Mu'tazila, ils ont affirmé des noms sans signification, et donc ils ont été rattachés et reliés à leur chef, les Jahmiyyah, dans la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils viennent au Coran et ils disent, on ne peut pas affirmer qu'Allah a une main, ou qu'Allah a qu'il est au-dessus de son trône, ou qu'Allah parle. Parce que sinon, ça veut dire qu'Allah a des attributs semblables aux créatures, et donc ils pensent qu'il y a une ressemblance là-dedans. Donc ils font en premier le tashbih. Puis, ils tombent dans le ta'til, parce qu'ils nient les attributs par la suite, en essayant de les déformer de leur sens réel. Donc ils déforment et ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le cheikh il explique maintenant la position d'Ahlul Sunnah. Il dit wa Ahlul Sunnah yu'minuna bima warada fi kitabillahi wa fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam min asma'ihi wa sifatihi al-'ulya yu'minuna biha kama waradat wa ya'taqiduna ma'aniha wa yanfuna 'anha at-takyif wat-tashbih ويثبتونها ضد المعطلة فإثباتها لا فإثباتهم لها فيه رد على المعطلة ونفي التكييف والتشبيه والتمثيل فيه رد على المشبهة. Donc le cheikh il explique, il dit les gens de la sunna ils croient en ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam à propos des noms et des attributs d'Allah, de ses beaux noms et de ses nobles attributs élevés. Donc ils croient en tout ce qui est mentionné dans la révélation comme signification de ces noms-là. Donc ça veut dire, c'est quoi la règle? La règle c'est, est-ce que c'est mentionné dans les textes? Donc si on a un verset dans le Coran qui mentionne une attribut d'Allah, hein, quelqu'un par exemple, il nous dit une attribut, il affirme une attribut à Allah. Il te dit par exemple, est-ce que tu crois en tel attribut à Allah, pour, ou bien pour Allah? Tu lui demandes une chose, est-ce que c'est dans la révélation? Est-ce que c'est dans le Coran? Est-ce que c'est affirmé, cet attribut-là est affirmé à Allah dans le Coran? S'il te dit oui, alhamdulillah, tu dis oui, je l'affirme. S'il te dit non, alors tu lui dis, est-ce que cet attribut est affirmé dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et j'ai bien mentionné, je spécifie authentique, c'est-à-dire sahih, un hadith sahih, ou hasan, c'est quelque chose qui est valable dans la charia. Et s'il dit oui, alors dans ce cas-là j'y crois. Hein? Mais si c'est da'if, ou si c'est quelque chose qui n'est pas dans le Coran, ni dans la sunna, dans ce cas-là non, je ne l'affirme pas. Je n'affirme que ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Hein? Authentique. Et donc c'est ça que le cheikh a dit, on doit affirmer tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la sunna comme nom et comme attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit croire en leur signification, et on doit nier toute forme d'essayer de trouver la description ou le commun de ces attributs là que ce soit en se basant sur la raison ou sur l'imagination. Hein, on ne doit pas essayer de chercher le comment ou de demander comment sont les attributs d'Allah, et on ne doit pas non plus faire de tashbih, c'est-à-dire de faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Et donc on doit les affirmer, ces attributs, contrairement aux mu'attilah. Les mu'attilah, c'est ceux qui nient. Hein, et les mu'attilah, ils comprennent, ils sont plusieurs groupes. Les mu'attilah, c'est les jahmiyyah, c'est les asha'ira, c'est les maturidiyya, c'est les mu'tazila. Tout cela rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle al-mu'attila. Parce qu'ils font tous, ils rentrent tous dans la négation des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont en des degrés différents. Certains nient tout, noms et attributs sans exception, comme les jahmiyyah. Certains, ils affirment les noms, mais ils nient les attributs, comme les mu'tazila. Et d'autres, ils affirment les noms, et ils affirment cet attribut, puis ils nient les autres, comme les asha'ira. Hein? Donc c'est des degrés différents d'égarement. Mais souvent des ulama comme Ibn Taymiyyah Rahimahullah, quand il parle d'eux, il les classe tous dans la même catégorie du fait qu'ils sont tous tombés dans la négation des attributs d'Allah, dans le ta'til, dans la bid'a des mu'attila, et du fait également qu'ils qu'ils sont tombés dans ça à cause de la même shubha à la base. C'est-à-dire la shubha des Jahmiyyah, des Mu'tazila et des Asha'ira, à la base c'est la même shubha. C'est la même shubha de prétendre qu'ils s'imaginent que, à cause des philosophies et des idéologies qu'ils ont étudiées ou apprises, ils s'imaginent qu'en affirmant ce qui est mentionné à propos d'Allah dans les textes, que ça implique une ressemblance entre le Créateur et la créature, et donc pour s'éloigner de cette idée-là qu'ils ont, ils veulent nier les attributs en déformant le sens ou en la niant complètement. Et donc ça c'est l'égarement de ces groupes-là. Donc nous on affirme les attributs d'Allah contrairement aux Mu'attila, et on les affirme, et dans le fait de les affirmer il y a une réfutation de ces Mu'attila, et on nie en même temps le fait que on nie le fait de demander le commun, le fait de dire qu'il y a une ressemblance ou une comparaison entre le créateur et la créature, et dans ça il y a une réfutation des mushabbiha, c'est-à-dire de ceux qui veulent faire ressembler Allah à sa création. Et parmi les mushabbiha, il y en a qui sont il y en a des ulama comme Ibn Taymiyyah, il mentionne que les premiers d'entre les mushabbiha c'est les rafida, un groupe d'entre les rafida qui ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, ou qui ont affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala des créations, des attributs semblables à ses créatures. Et sinon aussi il y en a qui font le tashbih entre la créature et le créateur en donnant aux créatures des attributs d'Allah, c'est-à-dire en donnant aux créatures des attributs divines. Il y en a qui donnent à Allah des attributs humains ou des attributs de sa création, et il y en a qui font le contraire, ils donnent aux créatures des attributs divins. Comme par exemple, les chrétiens qui donnent à Jésus des attributs divins. Ou bien certains parmi les soufis qui donnent à leurs shuyukh ou à leurs imams ou à leurs awliya, ce qu'ils appellent des saints, des attributs divins. Comme le fait de connaître le ghaib, de connaître l'invisible. Ou bien le fait de contrôler les cieux et de contrôler l'univers, ou des choses de ce genre, de pouvoir faire tomber la pluie. Il y a plein d'autres égarements comme ça qu'ils ont. Et il y a aussi l'idée des rafida. Parmi les chiites, rafida, il y en a qui donnent aux 12 imams, c'est-à-dire les 12 descendants à partir de Ali, et les descendants de Ali radiallahu anhu, comme Al-Hassan Al-Hussein et Fatima radiallahu anha, et les autres descendants de Ali jusqu'à 12 descendants, ils leur donnent des attributs divins et ils les prennent pour des êtres surnaturels. Et parmi les choses qui ont été mentionnées à ce sujet-là par Al-Khomeini dans un de ses livres, un livre qui s'appelle Hukumat Islamiyah, il a écrit un livre dans lequel il dit que les imams, ceux qu'ils appellent les 12 imams, ils ont un statut plus élevé que les anges et les prophètes. Ça c'est écrit dans son livre, et il dit qu'ils ont un statut plus élevé que les anges et les prophètes, et que même toutes les atomes de l'univers sont soumis à leur ordre et à leur commandement. Donc c'est pour dire qu'ils affirment à leurs imams des caractéristiques divines, et le fait de contrôler l'univers. Donc tout ça c'est du shirk, il n'y a pas de doute. Donc ça aussi ça rentre dans tashbih, parce que tu donnes à des créatures des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est du shirk aussi. Donc il dit le cheikh, Cheikh Rabi, hafizahullah, فالمشبهة كما يقول ابن عيينة أو أبو نعيم ابن حماد المشبهة أو المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما وأهل السنة يعبدون الله سبحانه وتعالى ذا الكمال والجلال صاحب الأسماء الحسنى والصفات العليا. Donc il dit, le cheikh, que les mushabbiha, ou bien il dit plutôt que ça c'est la parole de soit de Ibn Uyayna, Sufyan Ibn Uyayna, un des imams des salafs, ou bien de Nu'aym Ibn Hammad. Donc ça c'est deux d'entre les imams des salafs qui ont dit, donc c'est un des deux qui a dit cette parole. Et cette parole c'est quoi? C'est que le mushabbih, il adore une idole. Al mushabbih c'est quoi? Celui qui fait ressembler Allah à sa création ou à ses créatures. Donc lui en réalité, il s'imagine une idole dans sa tête qu'il décrit à sa façon. Donc c'est comme s'il adorait une idole en réalité, parce qu'il adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il adore quelque chose qu'il décrit avec des caractéristiques humaines et divines qu'il a inventées, humaines qu'il a imaginées dans sa tête et qu'il compare à la créature. Donc ça c'est al-mushabbih, c'est comme s'il adorait une idole. Et al-mu'attil ya'budu adaman, le mu'attil lui il adore le néant, c'est comme s'il adorait le néant, il n'adore rien en fait. Pourquoi? Parce qu'il nie même l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyya. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus de son trône. Et parmi eux, il y en a qui disent que Allah est partout. Ils disent Allah est partout. Et il y en a d'autres qui disent Allah est nulle part. Et ils disent, parmi eux, il y en a qui disent on ne peut pas dire une direction dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala se trouve. Donc ils disent il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en avant, il n'est pas derrière, il n'est pas à l'intérieur du monde, ou il n'est pas à l'intérieur de la création, et il n'est pas non plus à l'extérieur de la création. Donc il n'existe pas. Il n'existe pas. Et c'est pour ça que les ulama d'Ahl Sunnah, quand ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala, comme les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, ils ont dit qu'on croit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, séparé de sa création, tel qu'il s'est décrit lui-même. Donc, ça c'est la aqidah d'Ahl Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, il est au-dessus de son trône, et il est séparé de sa création, il n'est pas mélangé à sa création, il n'est pas partout, en toute chose physiquement ou par son être et par sa personne, contrairement à ce que prétendent les soufis parmi les différentes sectes qui croient en Wahdatul Wujud ou bien en Al-Hulul, Tijaniya, Qadiriya, Saharwardiya, Chistiya, Shaziliya et ainsi de suite. Ils croient que Allah est tout et que tout est Allah, ou que tu peux devenir un avec Allah, ou que Allah entre en sa création, ou des choses de ce genre. Ça c'est du shirk. Ça c'est du shirk. Et donc il nie que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, séparé de sa création. Et la même chose comme Ibn Arabi et Ibn Farid ou Ibn Sab'in. Il y en a beaucoup d'autres également parmi ces gens-là qui ont dit que tout est Allah et que Allah est tout, ou qu'on ne peut pas faire de distinction entre le Créateur et la créature. Pour eux, le Créateur et la créature sont une seule et même chose. Et donc, ça c'est des exemples également de shirk et d'égarement et de kufr. Donc, ça c'est un exemple. Et en réalité, en disant que soit qu'ils disent qu'Allah est tout, donc il nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que du moment que tu dis qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature, donc ça veut dire que tu existes, Allah n'existe pas distinctement. Et la même chose, si tu dis par exemple que Allah est nulle part, ou qu'il a c'est comme si tu nies qu'il soit au-dessus de son trône, alors dans ce cas-là, ça veut dire que tu adores le néant. Et donc souvent on a dit les ulama, ils ont dit par exemple, les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont dit à ces gens-là, vous dites que vous voulez ne pas affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est au-dessus de son trône par crainte de le faire ressembler à sa création. Maintenant vous êtes tombé dans quelque chose de plus grave encore, vous l'avez fait ressembler au néant. Vous l'avez décrit par les caractéristiques de ce qui n'existe pas, du néant. Parce que si tu dis que Allah il n'est pas ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, ni en avant, ni en arrière, ni à l'intérieur de sa création, ni à l'extérieur de sa création, Ça veut dire qu'il n'existe pas. Hein? Et ça, c'est du kufr. Et l'imam Ahmad, il a écrasé l'argument de ces gens-là, justement, des gens du Ta'til, avec cette explication-là. Il leur a dit, parce qu'eux, ils disent souvent, Allah existe tel qu'il existait avant d'avoir créé la création. Hein? Et ils disent, il n'a pas d'endroit, ou il n'a pas de lieu, ou des choses de ce genre. Alors l'imam Ahmad leur a dit, quand Allah a créé les cieux et la terre, hein, il l'a créé où? À l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur de lui-même? C'est un des deux. Si vous dites qu'il a créé la création à l'intérieur de lui-même, vous êtes des kuffars et des mouchriquins. Parce que vous dites que en Allah, il y a quelque chose de créé. Et ça, c'est kuffar. Ou bien vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création à l'extérieur de lui-même. Et ça, dans ce cas-là, vous avez affirmé la vérité. Parce que c'est la position de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Hein, et qui va fermer la terre dans sa main au jour de la résurrection, et qu'il va plier les cieux, hein, dans sa main droite au jour de la résurrection. Donc c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il enveloppe cette création-là, et il la met même dans sa main, comme l'un d'entre nous met un grain de sel dans sa main. Et ça, c'est mentionné par Abdullah ibn Abbas, hein, dans l'explication. Donc, le mu'attil, il adore le néant. Tandis que Ahlus Sunnati wal Jama'a, eux adorent Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède la perfection et la majesté, celui qui détient les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Wa min sifatihi al-'ulu wal-fawqiyya wal-istiwa 'ala al-'arsh subhanahu wa ta'ala. Hadhihi as-sifa thabitatun bi adillatin kathira. Yaqul Ibn al-Qayyim annaha tazidu 'ala al-alf adilla. عقلية ونقلية وفطرية ومن هذه الأدلة. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Cheikh Rabi, hafizahullah, il dit que parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut qu'on a, parmi les attributs, il y a al-ulu. Al-ulu, ça veut dire, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-a'la, al-ali. Ça fait partie de ses noms. C'est-à-dire al-a'la, le plus haut. Al-ali, le très haut. Hein? Et donc, il a comme attribut al-ulu. Et al-ulu, les ulama, ils disent que ça, c'est prouvé par la fitra. Parce que toute créature, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et lorsqu'il est en détresse, ou lorsqu'il a des problèmes, et qu'il a besoin d'aide, il veut appeler au secours, il appelle Allah subhanahu wa ta'ala, il se tourne vers le ciel. Il lève ses yeux et ses mains vers le ciel, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Même s'il n'est pas musulman, hein? Instinctivement, ça fait partie de la fitra. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ça en l'être humain. Et donc, ça, c'est une des preuves que les ulama ont mentionné comme preuve de al-ulu. Et il y a des preuves de al-ulu dans également les textes, dans la raison aussi, et dans. Et Ali la fitra. Donc il y a les preuves réunies à propos de Al-Ulu et Al-Fawqiyya. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, il dit wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadi. C'est lui le contraignant au-dessus de ses serviteurs. Et il y a également comme attribut al-istiwa 'ala al-arsh, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus du trône. Donc ça, c'est également une autre des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces attributs sont affirmés et confirmés par beaucoup de preuves. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala, al-Jahmiyati wal-Mu'attila, il a dit que les arguments pour prouver que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, dépassent le nombre de 1000 preuves. Dépassent le nombre de 1000 preuves, alf dalil. Et il dit, c'est soit entre les preuves qui sont rationnelles, les preuves dans les textes, et les preuves de la fitra, réunies. Il y en a plus que 1000 pour dire que Allah est au-dessus de sa création. Et malgré tout ça, tu vois que ces gens de bid'a essaient de nier, hein, cet attribut-là, en particulier. Donc, il va maintenant, Cheikh Rabi, il énumère certaines d'entre les preuves à ce sujet. Donc il dit, ومن هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى صرح في 7 آيات محكمات أنه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، في سورة الأعراف، في سورة يونس، في سورة الرعد، في سورة طه، في سورة السجدة، في 7 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى صرح بأن الله استوى على العرش. Donc, Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit explicitement dans 7 versets clairs et explicites que Allah est au-dessus de son trône et qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Le premier, il dit Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, c'est-à-dire le tout miséricordieux sur le trône s'est élevé. Hein? C'est, sur le trône s'est élevé. Donc, il s'est élevé au-dessus du trône. Et il y a la même chose dans Surat Al-A'raf, Surat Yunus, dans Surat Al-Ra'd et dans Surat Taha et dans Surat Al-Sajda, il y a 7 versets dans lesquels Allah mentionne explicitement qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Istawa. Et donc, les versets c'est... les versets en question c'est... Le verset 54 dans Surat Al-A'raf, après le verset 3 dans Surat Yunus, le verset 2 dans Surat Ar-Ra'd, le verset 5 dans Surat Taha, le verset 59 dans Surat Al-Furqan, le verset 4 dans Surat Al-Sajda et le verset 4 dans Surat Al-Hadid. Et donc ça fait 7. Ça fait 7 versets. Il dit donc ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الله أخبر فاسأل به خبيرا يعني نفسه أن يعني فاسأل به خبيرا يعني نفسه أنه خبير فيخبر عن نفسه أنه استوى على العرش. أخبر بأنه استوى على العرش وأخبر بصفاته الحسنى وأسمائه العليا. ومع ذلك يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت كل هذه الصفات منها الاستواء والنزول والمجيء ونؤمن بها كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونثبت حقائقها وننفي عنها الكيفية والدليل على نفي الكيفية من القرآن. قال تعالى ليس كمثله شيء ثم قال وهو السميع البصير فنفى عن نفسه المشابهة والمماثلة وأثبت لنفسه السمع والبصر. وهذا من أدلة أهل السنة في الرد على المشبهة والرد على المعطلة. Donc le Cheikh il dit, puis Allah il dit dans le Coran, dans Surat Al-Furqan, le verset 59, qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, fas'al bihi khabira, demande à quelqu'un qui en est informé, c'est-à-dire demande à lui, hein, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est lui qui en est informé. Allahu Akbar. Donc il dit lui-même qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Et il nous a informé qu'il était au-dessus de son trône, de même qu'il nous a informé de ses nobles, hein, et beaux noms, et de ses belles attributs, et de ses beaux noms élevés. Donc, il dit également en même temps que rien ne lui ressemble, et qu'il est l'audient et le voyant. Donc on doit affirmer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné comme attribut, et parmi les attributs en question, le fait qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, le fait qu'il descend au dernier des cieux, durant le dernier tiers de la nuit, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala viendra au jour de la résurrection, on croit en tout cela, comme cela a été mentionné dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. On affirme cela, mais... on affirme la réalité de cela et on nie le commun. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire, mais comment Allah descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, hein? Comme parfois, tu as certaines personnes, ils posent des questions qui sont interdites à propos d'Allah. Ils disent, oui, mais la terre, elle est ronde, puis le dernier tiers de la nuit, il y a toujours un endroit sur terre où c'est le dernier tiers de la nuit. Donc comment tu peux dire que yani Allah descend au dernier tiers de la nuit et des choses de ce genre? Tu lui dis, on n'a pas le droit de demander le comment ou d'essayer d'imaginer comment Allah descend du trône ou du, yani, comment il descend au dernier tiers au dernier des cieux, au ciel de la dunya. Comment il descend au ciel de la dunya? On n'a pas le droit de demander ce genre de questions-là. Hein? Et on n'a pas le droit d'essayer non plus de l'imaginer. Essayer de comprendre comment il descend. Mais une chose qu'on doit savoir, c'est qu'il descend d'une manière qui lui convient et qui est différente de celle de ses créatures. Hein? Et qu'il descend d'une manière qui lui convient, qui convient à sa majesté et à sa perfection. Et il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui est comparable. Donc sa descente n'est pas comparable à la descente des créatures. Et sa venue n'est pas comparable à la venue des créatures. Et son élévation au-dessus du trône n'est pas comparable à l'élévation des créatures. Donc on affirme les attributs tels que Allah subhanahu wa ta'ala se les ait affirmés à lui-même. Comme l'imam Malik a dit dans sa parole très célèbre, quand on lui a posé la question, « Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, kayfa stawa ?» Hein? Le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Comment s'est-il élevé sur le trône? L'imam Malik, il s'est mis en colère quand il a entendu cette question. Et il a répondu en disant Al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, wal-iman bihi wajib, wa-su'al anhu bid'ah. Il a dit quatre points. Il a répondu par quatre points qui résument la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet des attributs d'Allah. Le premier point, c'est qu'il a dit Al-istiwa ma'loum. Hein? Ou bien il a dit Al-istiwa ghair majhoul. Hein? C'est-à-dire, on le connaît, on sait ce que ça veut dire dans la langue arabe. Le mot istiwa, c'est pas un mot qui est inventé, ou c'est pas un mot dans une langue chinoise ou une langue étrangère que personne comprend. Non, c'est un mot connu dans la langue arabe, un terme très connu. Deuxièmement, wal kayfu majhoul. Le comment, il est inconnu de nous. On ne sait pas comment Allah, subhanahu wa ta'ala, et s'est élevé au-dessus de son trône, de même qu'on connaît pas le, on sait pas le comment de Allah, comment il est lui-même, ou comment Allah subhanahu wa ta'ala est sa main, ou comment sont ses yeux, ou ainsi de suite. On le sait pas parce qu'il nous l'a pas dit. Hein? Donc, al-kayf il est majhoul. Et, al-iman bihi wajib. C'est obligatoire d'y croire. Et de l'affirmer. Ou as-su'al anhu bid'ah. Et de poser la question au sujet du comment, c'est une innovation dans la religion d'Allah. Et c'est une porte ouverte vers l'égarement. Puisque tu demandes quelque chose à propos de ce que tu ne peux jamais comprendre par ta raison, tu vois. Et donc, ça c'est la règle. Et donc, on affirme ce qui est mentionné, mais on nie le comment. Hein? Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il affirme l'attribut, mais il nie le comment. L'exemple de ça, c'est le verset 11 dans Sourate Ash-Shura. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay'un. Puis, juste après, il affirme, il dit Wa huwa as-sami' al-basir. Donc, le cheikh, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié toute ressemblance et toute comparaison avec sa personne dans le verset. Laysa kamithlihi shay'un. Ça, c'est la négation de toute ressemblance. Et juste après, il affirme ses attributs. Il dit, Wahu as-sami' al-basir, ça implique l'affirmation de l'ouïe et de la vue, parce qu'il est l'audient et le voyant. Et donc, ça c'est un verset par lequel les gens de la Sunna ont réfuté les mushabbiha et ont réfuté les mu'attila ensemble, dans le même verset. C'est-à-dire que dans le même verset, il y a la réfutation de ceux qui font ressembler Allah à sa création, et de ceux qui nient les attributs d'Allah, dans le même verset. Puisque, quand il dit « Laysa kamithlihi shay », c'est une réfutation des mushabbiha, puisqu'il dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble, et après il affirme les attributs « As-sam' wal-basam ». Il dit « Wa huwa as-sami' al-basir ». Et l'être humain, il est « Sami' al-basir ». Et les animaux, il y a beaucoup d'animaux aussi, ils sont « Sami' al-basir ». Mais malgré tout, il dit qu'il est Sami' al-Basir Donc ça, ça veut dire qu'on doit affirmer les attributs d'Allah, mais qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Donc ça veut dire que ces attributs-là, elles ne sont pas comparables à celles des créatures. Et donc on a nié les deux sectes, les deux extrêmes en même temps, par un seul verset. Le verset qui nie la ressemblance et qui nie, et en même temps, à côté, l'affirmation des attributs qui implique la réfutation de ceux qui nient les attributs d'Allah. Donc le cheikh il dit, il explique ça, il dit الرد على المشبهة بقوله ليس كمثله شيء والرد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير سبحانه وتعالى حصر المبتدا في الخبر وهو السميع البصير البصير هذه تفيد التأكيد نعم وهو السميع البصير. Donc c'est exactement ça. Le verset réfute les deux, les mushabbiha et les mu'attila. La première partie réfute les mushabbiha et la fin du verset réfute les mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا وصف نفسه بأنه استوى في سبع آيات وأنه سبحانه وتعالى فوق الله سبحانه وتعالى فوق يخافون ربهم من فوقهم هذا إخبار تصديق بفوقية الله تبارك وتعالى الملائكة أينهم في السماء بإجماع المسلمين السابقين واليهود والنصارى والفلاسفة أن الله في السماء وأن الملائكة في السماء. Donc le cheikh il dit, donc Allah il a mentionné à propos de sa personne qu'il est élevé au-dessus de son trône dans 7 versets dans le Coran et qu'il est au-dessus de sa création. Et il mentionne le verset 50 dans Surat An-Nahl. Verset 50 dans Surat An-Nahl, dans lequel il mentionne à propos des anges, il dit, et ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges sont au-dessus. Et le cheikh, il dit ça, c'est une information de véracité et d'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Et il dit, et les anges, où sont les anges? Où sont les anges? Le cheikh dit, ils sont dans le ciel. Et ça, c'est selon le consensus des musulmans précédents. Et même les juifs, même les chrétiens, même les philosophes, les kuffars, ils disent que les anges sont dans le ciel. Ceux d'entre eux qui affirment les anges, ils disent que les anges sont au ciel. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est dans le ciel aussi, au-dessus des cieux. Et que les anges sont dans les cieux aussi. Et donc, les anges sont dans les cieux et ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Donc ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Et il dit, « Wa ma'al asaf, al-yahoud wa al-nasara, baqiya indahum hadha al-janib min al-islam, wa huwa al-sifat, lam yuharrifuhu, kullu ma yattasilu bi rasulillah wa bi kitabihi harrafuhu, wa ma yattasifu bi sifatillahi, بقي ثابتا حتى ذكر لي أحد طلاب العلم بالجامعة الإسلامية كما لما كنت مدرسا بالجامعة أن نصرانيا جاء إلى مجموعة من الصوفية قمص وعمائم كان يعرف عقيدتهم ويسخر منهم قال أين الله قالوا في كل مكان فتفل عليهم وقال الله فوق وهذا نصراني مع الأسف وبعض هؤلاء المعطلة يناظر النصارى يناظرهم فيحزمهم في شتى الميادين أو الميادين فإذا جاء إلى الصفات هزموه إذا جاء إلى قصة الاستواء خاصة يهزم ويضحك الناس على الإسلام مع الأسف الله المستعان. Donc le cheikh il dit, il dit malheureusement, il dit les juifs et les chrétiens, il dit, en fait, c'est une chose qu'on remarque, que les juifs et les chrétiens, ils ont gardé cet aspect de l'islam, c'est-à-dire les attributs d'Allah, ils les ont affirmés, ils ne les ont pas déformés. Et tout ce qui a rapport avec Allah, tout ce qui a rapport avec les messagers d'Allah et les livres, ils l'ont déformé et ils l'ont falsifié. Mais ce qui a rapport avec les attributs d'Allah, c'est resté affirmé tel quel. Il dit que il y a un des élèves de la Jamia, un des élèves de l'université islamique, parmi les tullab ilm, qui lui avait mentionné une fois, lorsqu'il était professeur à la jami'a, il lui a mentionné que un chrétien était venu voir un groupe de soufis. Et il y allait les soufis, bon, qui ont des qamis et des turbans, et ainsi de suite. Donc il est allé vers eux. Et il connaissait leur croyance, c'est-à-dire ce chrétien connaissait la croyance des soufis. Et il voulait se moquer d'eux. Donc il est allé vers eux et il leur a demandé où est Allah. Et eux, ils ont dit, il est partout. Alors, il a craché sur eux. Et il leur a dit, Allah est au-dessus de sa création. Hein? Il dit, ça c'est un chrétien. Il dit, mais malheureusement, certains de ceux qui nient les attributs d'Allah, des fois ils font des débats avec des chrétiens. Et ils débattent avec les chrétiens et ils réussissent à les écraser dans les différentes questions qui ont rapport avec la religion et ainsi de suite. À propos de Jésus et le fait qu'il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas Dieu ou des choses comme ça, ils réussissent à les réfuter là-dessus. Toutefois, lorsqu'ils arrivent à la question du fait qu'Allah est au-dessus de son trône, eh bien là, ils se font écraser et ils font que des gens rient de l'islam à cause d'eux, malheureusement. Donc le cheikh, il dit, « Al-shahid, anna min adillati ulou Allah subhanahu wa ta'ala, annahu fawq arshi. » Et ça, le fait qu'Allah est au-dessus de son trône, ça c'est quelque chose qui est même mentionné tel quel, textuellement, dans les livres des juifs et des chrétiens aujourd'hui. Hein? Et malgré qu'il est falsifié, mais ça c'est resté tel quel. Hein? Donc il dit le cheikh, الشاهد أن من أدلة علو الله سبحانه وتعالى أنه فوق عرشه هذه الآيات التي ساقها الله في القرآن الكريم لإثبات هذه الصفة العظيمة منها صفة العلو وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى علو الذات علو القهر وعلو القدر كل Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire là, c'est que parmi les attributs, plutôt parmi les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala est qu'il a comme attribut al-ulou, qu'il est al-ali, qu'il est le plus haut, le très haut, qu'il est au-dessus de sa création et qu'il est au-dessus de son trône. Il y a les attributs, les versets qu'on a mentionnés dans le Coran pour affirmer cette grande attribut, et il y a également l'attribut de al-ulu, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création. Et parmi les preuves de ça, le verset 4 en sourate Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est al-aliyul azim, huwa al-aliyul azim, le très haut, le très grand. Ça c'est dans plusieurs versets. Al-Ali al-Azim. Al-Ali, c'est le très haut. Donc alhamdulillah, ça c'est une des attributs d'Allah. Et le verset 1 dans sourate Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la alladhi khalaqa fa sawwa. Donc ça c'est un autre exemple. Allah il dit Sabbih isma rabbika al-A'la, le plus haut. Al-A'la. Donc c'est comme tu dis Kabirun, ça veut dire grand. Akbar, ça veut dire plus grand. C'est ce qu'on appelle ismu tafdil. C'est pour dire quelque chose qui est la forme superlative de quelque chose. Quand tu dis qu'elle est plus grand que. Et donc, Al-Ali, c'est le très haut. Al-A'la, c'est le plus haut. Le plus haut. Donc, ça, c'est des preuves que Allah, parmi les noms et les attributs qu'il a, c'est Al-Ali ou Al-A'la, et qu'il a Al-Ulu. Une de ses attributs, c'est Al-Ulu. Et Ulu, ça implique trois choses. Ulu al-Dhat, Ulu al-Qahr, et Ulu al-Qadr. Donc, Ulu al-Dhat, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est par lui-même au-dessus de sa création et qu'il est élevé par sa personne, au-dessus de sa création. La deuxième, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du fait qu'il a qu'il est contraignant et qu'il a la puissance et la force sur sa création. Wa'ulul qadar, c'est-à-dire que les créatures, ils ont un grand respect et une grande crainte de leur créateur qui est au-dessus d'eux. Donc ça, c'est les trois exemples de qu'est-ce que ça signifie al-ulu, hein, le fait que Allah soit élevé. Et donc nous, on doit affirmer ces trois sens, ces trois significations là quand on affirme al-ulu à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est lui-même élevé au-dessus de sa création, qu'il est élevé par sa force, hein, dans sa force et sa puissance sur ses créatures, et qu'il est élevé dans l'estime des créatures et le respect qu'ils ont envers lui. Donc tout ça, c'est affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « بينما المعطلة يؤولون هذه الآية بأن المراد علو القدر وليس علو الذات. » الآية تدل على كل أنواع العلو لله سبحانه وتعالى لأنه لا يتحقق كمال الله إلا إذا تضمنت كل أنواع العلو, علو الذات, علو القهر وعلو القدر. Donc le cheikh il dit, les gens de Bid'a parmi les Mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah, eux, ils déforment le sens de ce verset et ils prétendent que c'est seulement ulul qadr, c'est-à-dire seulement élevé dans le sens par rapport à l'estime des créatures envers lui et le fait qu'il le respecte et qu'il est élevé dans leur estime ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une interprétation qu'il donne pour nier que Allah est au-dessus de sa création. D'accord? Et nous, on dit non. Le verset indique toutes les différentes formes d'élévation et non pas seulement celle-là. Donc, on ne peut pas réaliser la perfection et affirmer à Allah la perfection complète, excepté si on affirme à Allah tout ce qui implique l'attribut de l'élévation, c'est-à-dire qu'il est élevé par sa personne, élevé en lui-même, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de sa création, qu'il est élevé dans le sens qu'il a la puissance sur les créatures, et qu'il est élevé dans l'estime de ses créatures, yani pour lui, et ainsi de suite. Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit, parmi les preuves également, il y a les versets suivants. « إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ » يَصْعَدُ أَيْنَ السعود إلى أعلى أم إلى أسفل؟ السعود إلى أعلى. إليه يصعد لأنه في العلو وأنه فوق سماواته وعلى عرشه. Donc le cheikh il dit, le verset 10 dans sourate Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset là que c'est vers lui que s'élève la bonne parole et la bonne œuvre l'élève vers lui. Donc, s'élève où? Est-ce que quand on dit que quelque chose s'élève, c'est par le haut ou par le bas? C'est par le haut. Et donc, il est, pourquoi? Parce que c'est vers lui que ça monte, hein, la bonne œuvre, la bonne parole. Pourquoi? Parce que il est au-dessus de sa création, au-dessus des cieux et du trône. Un autre exemple, ta'aruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi. العروج يكون إلى فوق لا إلى تحت لا يقال عروج إذا مشى يمينا أو شمالا أو أسفل ما يقال عروج لا يقال عروج إلا إذا كان عروجا إلى السماء إلى أعلى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. هذه من أدلة علو الله تبارك وتعالى العروج السعود وأدلة كثيرة ساقها ابن القيم في نونيته لخصتها لكم في هذا الملخص. Donc le cheikh il dit تعرج الملائكة والروح, c'est-à-dire que l'ange et l'âme, l'esprit, les anges, c'est-à-dire les anges, c'est-à-dire les anges et l'esprit, l'esprit c'est Jibril, les anges et Jibril s'élève vers lui. Ta'aruju. Al-uruj, ça veut dire s'élever, monter. Donc, le cheikh, il dit al-uruj. Est-ce que c'est vers le haut ou vers le bas? Il dit, on dit pas à propos de quelque chose, si elle va à gauche ou à droite ou en bas, que ta'aruj. On ne dit pas ça. On dit al-uruj seulement pour qu'est-ce qui est vers le haut, hein, en arabe. Donc, al-uruj, ça implique de monter. Et il dit, on ne dit pas uruj, excepté si c'est quelque chose qui est d'aller vers le ciel, vers qu'est-ce qui est plus haut. Et c'est pour ça que le verset 4 et 5 dans Surat Al-Ma'arij indique justement le fait que les anges ainsi que l'esprit s'élèvent vers lui dans un jour dont la valeur ou la longueur est de 50 000 ans. Donc les anges prennent 50 000 ans pour s'élever vers lui. Hein? Et il dit Fasbir sabran jamila. Bon, ça c'est la suite de la sourate. Et donc ça fait partie des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Et là, le cheikh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des éléments ou des preuves telles qu'ils ont été résumées par l'imam Ibn al-Qayyim dans An-Nuniya. Et il va les catégoriser par catégorie. Et parmi les exemples qu'il n'a pas mentionnés, c'est l'imam Ibn al-Qayyim, il l'a mentionné. Mais le Cheikh Rabi, ici, dans le résumé qu'il a fait, il n'a pas mentionné l'exemple de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son ascension vers les cieux, il est monté au dernier des cieux, hein, il s'est rapproché même après l'arbre, hein, le jujubier, Sidrat al-Muntaha. Donc, il s'est approché tellement proche, qu'à un moment donné, même Jibril l'a dit, moi, à partir de là, je ne peux plus m'avancer. Hein? Donc, ça, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une autre preuve qu'il est au-dessus de sa création. Et il n'a pas mentionné cet exemple-là, mais il a mentionné d'autres, comme les versets à propos de l'istiwa, les versets à propos de An-Nuzul, les versets à propos de l'élévation en degrés. Bon, il y a beaucoup d'autres. On va expliquer ça, Inch'Allah. Au prochain cours, bi'iznillah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je voulais juste mentionner aussi par rapport au cours de demain. Il y a un livre que j'ai commencé il y a longtemps. Il y a beaucoup de frères qui m'ont demandé de continuer ce cours-là. Donc, je pense que je vais faire ce cours demain, ce livre demain avec vous. Inch'Allah, c'est le livre de Cheikh Mohamed Bazmoul qui s'intitule « Al-Muhkam wal-Mutashabih fi al-Takfiri wal-Jihad ». C'est-à-dire que les versets ou les choses qui sont claires et explicites et les choses qui sont équivoques, à propos du takfir et du jihad. Et c'est un livre très important, je pense, surtout à notre époque, parce qu'on voit tout ce qui se passe et on voit les khawarij qui font la fitna. Et donc, c'est, je crois, important de réfuter les shubuhat, justement, à propos du takfir et à propos du jihad, pour éviter, justement, que les gens fassent ce genre d'amalgame. Surtout qu'il y a les kuffars aussi qui utilisent les amalgames des khawarij pour essayer d'accuser l'islam d'être une religion de violence et de terrorisme. Donc en réfutant ces khawarij et en expliquant qu'est-ce qui est muhkam et mutashabih à ce sujet, on fait une pierre deux coups. Avec la même pierre, on frappe et les khawarij et les koufars qui attaquent les musulmans à ce sujet. Donc, Inch'Allah, on fera le cours, on commencera ce cours-là demain, ou on continuera plutôt ce cours demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayhi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. À demain, Inch'Allah.